l'anthropologie de la création. Bien que perdu en 36 heures de mai, je me suis ordonné de sortir des abysses. Dans l'univers des mots, je suis un commando. J'ai plus d'expérience que Columbo. Les strophes déclenchent des catastrophes. On appelle les militaires qui débarquent d'Angleterre. J'éteins la Xbox, j'allume le jukebox, j'enfile les gants de boxe. Je reste sur le ring en attendant un featuring, peut-être avec le king de la rime ou le king du bling bling. Douze plombs tirés avec des cordes vocales de chasse, des rimes à air comprimé, des paroles débitées en rythme saccadé, agrémentées d'originalité, d'étrangeté. Mes alexandrins atterrissent en alpha jet qui en jette. Je concocte des cocktails de décibels, je place des syllabes dans tes synapses. Je débite au débit, je crée à l'infini. N'hésite pas à gratter l'emballage, tu vas assister à l'étalage d'une multitude d'aptitudes. Je lève mon âme, je prends l'amplitude, j'ai pas besoin d'âme, mon esprit est rude. Si t'étudies mes thématiques, plus variées que les mathématiques, tu peux remarquer que je suis éclectique. Tu me sens versatile dans mes figures de style. Tu cherches des paradoxes dans mes paradigmes. J'oublie les reproches, à la vie je m'accroche. J'amorce mon accroche, t'écorche mon écorce. Par tes propos empreints de mépris, mais pour qui tu m'as pris? Je ne suis pas de ceux qui élèvent le prix de leur ego, car je suis conscient que devant la mort, on est tous égaux. Je concocte des cocktails de décibels, je place des syllabes dans tes synapses. Je débite au débit, je crée à l'infini. N'hésite pas à gratter l'emballage, tu vas assister à l'étalage d'une multitude d'aptitudes. Je lève mon âme, je prends de l'amplitude, j'ai pas besoin d'âme, mon esprit est rude. Je m'immisce dans l'air de jeu et je deviens pro. Je m'initie, je découvre les enjeux et je deviens accro. La transmission de mes idées devient plus virulente que le H1N1. Roselyne en est témoin, elle se demande où en est le vaccin. Si je suis à la traîne, eh ben je m'entraîne. Les critiques me rendent euphorique. Je sens que Big Brother me regarde, alors je bosse, je rêve de Ward. Même si les nouvelles sont maussades, j'ai encore de l'espoir comme sortie d'Harvard. Vous ne connaissez que la partie émergée de l'iceberg. Il reste 90% à découvrir. Je concocte des cocktails de décibels. Je place des syllabes dans tes synapses. Je débite au débit, je crée à l'infini. N'hésite pas à gratter l'emballage, tu vas assister à l'étalage d'une multitude d'aptitudes. J'élève mon âme, je prends de l'amplitude, j'ai pas besoin d'âme, mon esprit est rude.